gens qui croulent d'amis, qui vont de fête en fête, d'orgie en orgie. Où vont-ils vraiment? N'ont-ils une idée? Savent-ils vraiment où le vent va les porter? De ceux qui croulent d'alcool, de bière et d'excès, de ces filles qui rigolent, les jupons mollets, de ces garçons cannibales, le regard aiguisé qui attend d'animal la fin de soirée. Moi je n'étais jamais du bal, probablement trop normal, j'aurais aimé pourtant un soir pouvoir. De toutes ces filles qui de l'amour essuyaient les plâtres, chaque nuit, chaque jour, de tous ces garçons qui le lendemain se gargarisaient d'avoir touché un sein, de toutes ces larmes qu'ils ont faites couler, de tous ces cœurs qu'ils ont broyés, de leurs mains maladroites, des maladies, voir que faire du mal, c'est toujours plus. Moi je n'étais jamais de ceux qu'on demandait pour une valse ou deux. Pourtant dans mon cœur il y avait l'amour que vous cherchiez. Moi j'étais le consoleur, celui que vous veniez voir en pleurs, celui qui séchait patiemment vos larmes qui coulaient en ruban. Et dans vos mots, dans vos paroles, je n'étais qu'un simple désir frivole. Quand vous me preniez dans vos bras, je sentais alors l'ardeur d'autrefois, même si après vous repartiez dans les bras d'un autre, que vous languissiez, moi je savais. Dans vos histoires, je ne tenais qu'une place bien dérisoire. Quand vous m'invitiez à dîner, c'était pour me le présenter. Récolterai-je ce que j'ai semé? Aurais-je la joie d'avoir ce que j'ai mérité? Car ce n'est pas un sacerdoce d'être la troisième roue du carrosse. J'avais le courage d'être comme eux, audacieux et volage. Car apparemment, pour pouvoir vous plaire, il faut être bon, menteur et éphémère. Vous ne vous souciez plus du respect. Quand vient l'amour par le progrès, si c'est ainsi que se décide l'avenir, je me résigne à rester jusqu'à en mourir. Celui qui d'une main tremble autant à essuyer vos peurs et vos angoisses patentes, je me résigne à être.